Tricky Fix, it's the master play. Turn up this, selecting your style. Réchauffer le moteur, fais crisper les pneus. Ça devient vénère, ça devient dangereux. C'est un son brutal pour les fous du tuning. Attention, ça se passe dans les sous-sols des buildings. 3, 2, 1, le départ est lancé. Ma voiture commence à fuseler. Quelle est une fusée, j'suis parti en aparté. Faut que ça brasse, faut que ça bombarde. J'bombe en plein gaz comme un Pégase. T'inquiète, les amateurs, j'les mets dans le gaz. J'les mets dans le vent, attentif dans les tournants. Quand j'prends le volant, j'suis à 200%. Ok, je vais dans mon essieu, je fais chauffer les pneus, je fais chauffer le moteur. 3, 2, 1, le départ est lancé. Faut que ça trace, trace sous le freeway. Faut que ça trace, trace sur le freeway. Faut que ça trace, trace sous le freeway. Faut que tu traces sur le freeway. Faut que ça trace, trace sous le freeway. Faut que ça trace, trace sur le freeway. Faut que ça trace, trace sous le freeway. Faut que tu traces sur le freeway. T'es là dans ton Lexus en complexe. Vas-y, moi je suis en Mercedes Benz. Je commence à débarder, à bombarder. 2010, phénoménal vibes. Ça part dans tous les sens, t'inquiète, on met l'ambiance. On est là, les fluides volant. Ok, donc ça bombarde sur le freeway. Yeah, on est là dans tous les tournants. Yeah, yeah, yeah. 2010, phénoménal vibes. Faut que ça trace, trace sous le freeway. Faut que ça trace, trace sur le freeway. Faut que ça trace, trace sur le freeway. Yeah, Fix Cross.